ces années à fantasmer sur des corps de poupées. Toutes ces nuits d'été à penser qu'une fille pourrait bien m'aider. Chante quand même pour faire du fric et parce que c'est facile. Ton petit curbon dit non, n'est pas pour moi. Moi je veux vivre, vivre, vivre d'amour. Vivre, vivre. Vivre d'amour, d'amour. Parfois au bistrot, elle me reconnaît et moi je reste sage. Mes petites chéries, ne me draguez plus. Moi j'ai tourné la page. Tes seins en plastique moule ne sont plus pour moi. Moi je veux vivre, vivre, vivre d'amour. Vivre, vivre, vivre d'amour. Vivre, vivre, vivre, vivre d'amour.